Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et cette semaine, c'est la suite de la semaine dernière. La semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, on a fait un spécial musique francophone. Cette semaine, on est aussi à thème, donc on va diviser ça en trois avec quelques nouveautés francophones encore, de l'alternatif anglophone et de l'alternatif punk dans cette émission. Donc, trois blocs bien particuliers. Il va y avoir, entre autres, un nouvel album de OK Kerrville River, un de mes CD préférés de 2007. Et il y a aussi un nouvel album live de Avenged Sevenfold. On va commencer avec la catégorie francophone. Il va y avoir JP Dalpé, Caracol, Les Amours Inavoués, un nouvel album de Valsalva. Mais on commence avec un nouvel extrait de la Baroque Machine. Voici La Saveur du Mois dans le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. C'est fou.ca. la nouvelle pièce de la Baroque Machine. La saveur du mois dans le poste d'écoute, à C'est fou 89 FM. Donc, la Baroque Machine est un groupe quand même assez connu dans l'underground. C'est fou, on joue quand même beaucoup de la Baroque Machine. C'est du rock funk alternatif de Montréal. Allez voir myspace.com/labaroquemachine. Les membres sont Danny Thériault, auteur, compositeur, interprète, ludique, voix et basse. Guillaume Turcotte au clavier, Phil Messier à la guitare, Yann ses lettres à la batterie. Ils existent depuis août 2004. Donc, on va attendre d'avoir plus de pièces de leur part. Mais c'était la Baroque Machine avec la saveur du mois. On continue avec notre bloc francophone parce que l'émission est divisée en trois cette semaine. On va avoir un bloc alternatif anglophone et un bloc punk un petit peu plus tard. Mais avant ça, on a plein d'autres albums à aller entendre. On va commencer avec, pourquoi pas, Caracol. Tiens, l'arbre au parfum. C'est le nom de son album. Et à l'instant même, voici L'amour est un tricheur dans l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. À C'est fou 89.1 FM. Et tantôt, on va découvrir le nouvel album de Caïman Fou. Ça s'en vient, ça. Ça va être bon. Caïman Fou, 89.1 FM. L'amour rend malheureux. Voilà ce que j'en pense. À mes jours de malchance, m'arrache et me lance. L'amour est un tricheur, marche sur mon honneur. S'infiltre sublime, fissure mes os. Prend docile sur son îlot, s'abreuve à mes sanglots. Se joue de moi, me laisse solo. M'inflige ses balafres, rit des pièges qu'il place, m'enlace pour mieux me voler mes as. L'amour est ambidextre quand il manipule ma peine. S'étend comme le pétrole pour mieux me rendre folle. Me fait suivre ses détours, me perdre en criant au secours, souffrir en attendant mon tour. Poste d'écoute. J'ai peur de tes larmes, que ta tristesse ne m'atteigne. J'ai peur de tes larmes, qu'elles ne fassent de moi leur esclave. Qu'elles me mettent en cage. Non, non, non, non, non. Que nous fassions naufrage. J'ai peur de tes larmes, d'être à mon tour victime de ton mal. J'ai peur de tes larmes, que les hommes me prennent en otage, que les dingos nous crachent. Oh, oh, oh, oh, oh, nous faisons naufrage. Ah, ah, j'ai peur de tes larmes quand elles coulent vers moi. Et même si la honte vient s'abattre sur moi, je ne veux pas les boire ni emporter le poids. Je sens que la honte m'avalera. J'ai peur de tes larmes, qu'elles te dictent de prendre les armes, te submergent et t'avalent, te heurtent et te volent, te heurtent et te volent, te laissent pour morte. Tes larmes, oh, oh, oh, oh, oh, défonce la porte. Je suis noble, puis femme, ainsi nous sommes faits. Tristesse vivante, tristesse mourante, délicat supplice que ma cause t'est. Caracol avec la pièce Le Mépris de son nouvel album L'Arbre au Parfum. C'était précédé de Tes Larmes. Et on a débuté avec L'Amour est un tricheur dans le poste d'écoute. Donc, Caracol, on peut déduire une des deux parties de Duba Caracol. Ça, j'ai même pas besoin de feuilles pour me le dire, ça. J'imagine. Pop folk alternatif de Montréal. Spectacle qui s'en viennent. Il y en a un le 18 octobre à 21h. Showcase Rossec, salle Desjardins TELUS de Rimouski. Ensuite, elle va passer par Moncton, Québec, Lavaltrie, Sherbrooke, Joliette, Dolbeau, Saint-Jean-sur-Richelieu. Et elle va venir à Montréal. Donc, elle fait toute la province sauf Trois-Rivières. Caracolmusique.com et son site web. Allez voir aussi le myspace.com/caracolmusique. Musique en français. L'album est en magasin en ce moment même. Vous pouvez aussi l'acheter sur indicastore.com. Indica, drôle de compagnie qui choisissent de même pas avoir d'adresse en français pour leur album, pour leur site où acheter des albums. Je trouve ça particulier, mais bon. C'est rien contre Caracol, par contre. Très bon album qui s'appelle L'Arbre au Parfum. J'ai aimé ce que j'ai entendu quand même. Même si j'ai écouté que d'un oreille. Ça arrive des fois, tu sais, qu'on placote. On continue avec quelque chose que j'ai... Le nom me dit vraiment quelque chose. Pourquoi? Parce que je suis allé voir récemment la formation... L'homme et ses amis, le Husky, au Charlot, ici à Trois-Rivières. Il était en spectacle avec Alexandre Champigny et avec Les Amours Inavoués. Et ce gars-là a joué une pièce avant Alex Champigny, qui en a joué 4, et le Husky qui en a joué sûrement 6-7. Et j'ai trouvé ça bon, et le gars disait l'album est sorti, ben en tout cas il a été un petit peu distribué cet été, et là il travaillait un petit peu plus fort pour l'envoyer dans les stations universitaires et communautaires, et on vient de le recevoir assez fou. Quel drôle de hasard que ça arrive la semaine suivant le spectacle, j'aime beaucoup ça. Donc Les Amours Inavoués, je vais faire jouer quelques pièces de ça, et après ça on va discuter, placoter comme on dit dans le domaine de la radio, on dit pas ça ailleurs. Les Amours Inavoués, voici Allez et Venu dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. C'est fou 89.1 FM. Allez voir lunechance.com pour tous les liens à l'émission d'aujourd'hui. www.lunechance.com. D'abord, il y a eu Barcelone, où tu m'as pris comme une lionne. L'odeur de la Méditerranée t'a sûrement donné des idées. Train de nuit jusqu'à Grenade, plus bruyant qu'une fusillade, ne nous a en rien affligé, nous étions déjà enflammés. Le sais-tu que je t'envie, plus on s'éloigne. Avec du vin à 2 €, tu m'explorais comme si j'étais le dernier sol que tu foulerais. Ton sens inné de l'orientation ensuite pointait en direction de Cordoue, où nous sommes restés 4 jours à l'expérimenter. Le sais-tu que je t'envie, plus on s'éloigne et plus tu vis, mais par d'étrangers. À Madrid, on en a aperçu des brides près des tours de la porte d'Europe. Tu as sorti ton stéthoscope à Paris, au fond d'une ruelle, à quelques pas de la tour Eiffel. On a clôturé le voyage avec une promesse de mariage. plus grande extrémité de tes deux marteaux. Passer la nuit dans un piano. Le marteau cogne les cordes retentissent et résonnent sur un accord de dos. Passer la nuit dans un piano. Le chat noir nous miaule son ennui. Et les fantômes reviennent tous à la vie. Lorsque tu joues du Beethoven toute la nuit, sur le piano de ton père, tu es belle ma chérie. Ah ouais, ah ouais. S'articule le levier dont la plus grande extrémité de tes deux marteaux passe la nuit dans un piano. Le marteau cogne les cordes retentissent et résonnent sur un accord de dos. Passer la nuit dans un piano. Poste d'écoute. Je t'ai vu grimper sur son dos, les deux bras tendus jusqu'aux astres. Comment cueillir les fruits, toi tu cueillais les contrastes. Ton sac plein d'ombre et de lumière, tu lui acclamais ta romance. Mais il t'a dit presque fier que c'était perdu d'avance. Et si tu t'amènes avec moi, on s'envolera loin des mirages, éventrant du coup les nuages, hurlant des chansons. Partir le cœur palpitant, comme en terre conquise, tu trouvais ta route aisément. Mais au bout il n'y avait rien, rien que le désenchantement qui t'a laissé en vaut rien pour que tu t'y casses les dents. Mais si tu t'amènes avec moi, on s'envolera loin des mirages, éventrant du coup les nuages, hurlant des chansons. Les amours inavouées dans le poste d'écoute avec la pièce Les Tourtereaux, précédée de Passer la nuit dans un piano. On a débuté avec Allez et venu. Allez et venu qui était d'ailleurs la pièce que l'homme lui-même, Eric Shaw, a fait lors du spectacle du Husky. C'est cette pièce-là qui m'a fait découvrir cet album. Et l'artiste Les amours inavouées, oui, c'est le nom de la formation. Donc c'est du indie pop rock de Sainte-Adèle et Montréal au Québec. Les membres sont Eric, et plutôt Eric Shaw, hein? Félix Shaw, Guillaume Sigouin, Ulrich Corbeil-Trudel, Geneviève Cousineau, Marie-Lou Cousineau, Patrick Robert et Vincent Pietracou. Histoire, on dirait, de famille. D'avoir lancé comme un projet solo, Les Amours Inavouées sont en fait celles d'Éric Shaw, musicien actif sur la scène locale montréalaise, qui fait partie notamment des groupes L'Indice et Le Husky. Ses amours inavouées qu'il transpose en mots et en musique dès 2006 et qu'il défend à l'époque seul dans quelques petites salles de la métropole. Puis, suite à une expérience de spectacle en groupe, le projet se développe jusqu'à compter 7 musiciens, tous complices de longue date de Shaw. Vient donc ici greffer Patrick Robert, qui travaille avec Caniche Harakiri, Guillaume Sigouin du Sabot Trio, Mario et Geneviève Cousineau, Ulrich Corbeil-Trudel et Vincent Pietracou pour réaliser un album court de 6 titres originaux. Le résultat à mi-chemin entre chansons françaises et rock québécois aux influences indie-pop sera dévoilé le jeudi 21 août. Bon, c'est passé quand même au pit, au patro-vice. Voilà donc Les Amours Inavouées. Allez voir le myspace.com/. Les Amours Inavouées. Amour au féminin, donc avec 2 E. Et puis, ils sont en spectacle le 5 octobre, dans quelques jours à peine, si vous écoutez en direct. Donc ça, c'est à 20h au rendez-vous de la chanson vivante de Montréal. Les Amours Inavouées et leur maxi homonyme ou éponyme, dépendant des gens. On continue avec l'album de Caïman Fou, que je vous promets depuis le début de l'émission. Il s'appelle « Drôle d'animal ». Et on va entendre tout de suite la pièce qui ouvre cet album. Voici « Amour poursuite » dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois dans vos oreilles au 89.1 FM. Thank you. Même quand je serai dans ma tombe, vous l'entendrez. Et si nos cœurs sont des bombes qu'il suffit de programmer sur des kilomètres à la ronde, je veux rêver que nos cœurs sont des bombes de paix et de fraternité, dont l'unique mission en ce monde est de détonner partout sur la terre. Des milliers de bombes de chair joindront l'armée de l'ombre. cœur, c'est de moi. Je vous invite à déguster un bien drôle d'animal. Si vous avez du mal à digérer, tout à fait normal. C'est normal. Je vous invite à déguster un bien drôle d'animal. Si vous avez du mal à digérer, tout à fait normal. Tout à fait normal. Caïman fou et drôle d'animal, la pièce titre de leur nouvel album. C'était précédé de Mon cœur est une bombe et de Amour poursuite. Et là, j'écoute ça puis je me dis, ça sonne vraiment, c'est fou, ça sonne vraiment palmarès. On risque d'entendre beaucoup de pièces de Caïman fou dans les palmes dans les mois qui s'en viennent. Lisons leur biographie, c'est leur troisième album à Caïman fou, ce drôle d'animal. Donc presque 3 ans jour pour jour après avoir offert les charmes du quotidien. Oui, ça fait vraiment 3 ans qu'ils nous ont envoyé leur dernier album et ça a roulé très longtemps. Caïman fou lance ce drôle d'animal, troisième album saisi à point sur ce disque qui tangue parfois vers la pop intimiste, parfois vers un rock plus saisissant. Caïman fou pose un regard tout aussi lucide que ludique sur ce drôle d'animal que nous sommes. Un album riche et savoureux que vous prendrez plaisir à déguster. C'est rempli de compliments comme toujours. Pour ce nouvel opus, Caïman fou a opté pour des arrangements épurés qui mettent en relief la qualité et le dynamisme de l'interprétation. À la chaude voix d'Isabelle Blais se mêlent les guitares aériennes et audacieuses de Nicolas Grimard et Yves Manceau, la basse solide d'Igor Bartula, le jeu subtil du batteur Mathieu Massicotte ainsi que la trompette de leur fidèle collaborateur Charles Imbeau. Un cœur d'enfant, celui des petits chanteurs de Trois-Rivières, imaginez. Confère à la pièce finale de l'album comme tant d'étoiles, une atmosphère envoûtante et éthérique. Les textes de drôle d'animal, introspectifs et éclatés ou nostalgiques, sont aussi attentifs aux préoccupations sociales actuelles. Ils sont une fois de plus signés de la main d'Isabelle Blais, à l'exception de 3 d'entre eux. Soigneusement choisis et adaptés par la chanteuse, les poèmes de Germain Nouveau, l'abbé de L'Atteignant et Jean Lahore collent à merveille aux propos généraux de l'album ainsi qu'aux musiques du groupe. Si l'on retrouve toujours l'esprit fougueux et inventif qui a fait la marque de Caïman fou, drôle d'animal atteste une maturité certaine. Première collaboration avec le réalisateur Glenn Robinson, qui travaille avec Gisèle et Xavier Caffeine. L'album a été enregistré au studio Vox et mixé au studio Doc à Montréal. Voilà donc pour le nouvel album de Caïman fou. Si vous voulez plus d'informations, allez voir leur MySpace au myspace.com/caïmanfoumusique ou encore le caïmanfou.com. Et là, je regarde leur futur spectacle. Aujourd'hui, si vous écoutez en direct, nous sommes le vendredi 3 octobre. Ils sont ce soir au Théâtre du Grand Sceau du Centre Henri Lemieux de La Salle. Ensuite, demain samedi, au Théâtre Petit Champlain de Québec. Ensuite, le 17 à l'église Sacré-Cœur de Sainte-Thérèse. Ensuite, ils passent par Chicoutimi, Bécancour, Gatineau, secteur Hall et Jonquière. Leurs dates sont sur leur site web. Il y a aussi plusieurs extraits à entendre. Procurez-vous. C'est un bel accent. L'album de Drôle d'animal de Caïman fou, c'est maintenant en magasin. On termine cette première heure du poste d'écoute avec rapidement, là, très très rapidement, parce que je regarde ça et le temps file. Il file incroyablement. On va entendre l'album de JP Dalpé. Son album s'appelle Les Préliminaires. Et là, pour ceux qui écoutent en direct, vous allez entendre seulement une ou deux pièces, mais les gens de la rediffusion. Hein, parce qu'on est en rediffusion les samedis après-midi et les mercredis après-midi. Vous allez avoir quelques pièces de plus. Donc, on commence avec On a fait que du vent. Ça suivi de Mauvaise Track. C'est de JP Dalpé. Son album s'appelle Les Préliminaires. Et on parlera de lui un petit peu plus tard à l'émission. Qui s'appelle Le Poste d'écoute au 89.1 FM. Noir blanchira sans doute cette histoire qui ne tient pas la route. Il fera plus jamais beau sur nous. Il fera plus jamais chaud. C'est fou, mais c'est tout. poste d'écoute. Malheur, je suis pas pressé. Pas l'heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Moi, c'est Mathieu Plante. À la fin de la première heure, on a entendu JP Dalpé. On n'a pas parlé de lui par manque de temps, donc parlons de lui tout de suite. JP Dalpé qui fait du pop-rock tropical. Son album Les Préliminaires est présentement en magasin, vient de Montréal. Vous pouvez aller voir le myspace.com/JP Dalpé. Là, JP, c'est J-I-P-E. Mais si ça vous échappe, allez voir le site de l'émission au www.unechance.com. À la réalisation de l'album Éloi Pinchot. C'est le seul membre du band et là, il est en spectacle un petit peu partout au Québec et en France. Donc, sa carrière a l'air de très bien aller. Beaucoup, beaucoup de spectacles pour JP Dalpé. Et là, je cherche, il y en a à Trois-Rivières et je n'en vois pas, malheureusement. Mais quand même, son album s'appelle Les Préliminaires. Allez vous renseigner sur lunechance.com. La deuxième heure de l'émission commence avec un groupe local qui s'appelle Valsalva, un groupe qui tourne quand même pas mal assez fou. On les entend, on entend parler d'eux. Ils sont présents souvent sur la scène musicale trifluvienne. Et là, ils nous sortent leur nouvel album qui est éponyme. Hein? C'est du rock reggae pop. Et voici tout de suite avec La Muerte del Poder, parce que c'est un groupe multilingue. C'est ça qu'on dit, multilingue. Donc, leur langue se fourche. Dans le poste d'écoute au 89 FM. Je trace ma route, ça ne fait aucun doute. Elle est ce que j'en fais. plantes dans notre jardin. C'est le printemps de notre déclin. Un beau gâchis de combinaisons. C'est la bioaccumulation. Ça va tout magainer mon beau gazon. Qu'est-ce comment s'arrête ton page de Val Salva? Avant ça, c'était Beau Gazon. Et au début, c'était La Muerte del Poder de leur nouvel album éponyme. Val Salva, groupe de Trois-Rivières. C'est un groupe de rock et reggae pop. Rock, pop, musique du monde, franco-hispano. C'est aussi ce qu'ils disent sur leur MySpace. Ils sont en spectacle en passant le 7 octobre à la brasserie artisanale chez Gambrinus. C'est à 21h ici même à Trois-Rivières. Ensuite, ils vont être à Shawinigan le 24, à Grand-Mère les 7 et 8 novembre. Et leurs dates de spectacle sont sur leur MySpace au myspace.com/Valsalva Québec. Ils ont aussi un site web officiel au valsalva.net. Et membres sont Grégoire Brière à la voix et la guitare électrique et le charango, François Adams à la voix et la guitare classique ainsi que la flûte, Annick Bernacci à la basse et Éric Charland à la batterie. Encore une fois, myspace.com/valsalva-québec ou valsalva.net. Si les liens vous échappent, allez voir le site de l'émission au www.unechance.com. Valsalva et leur album éponyme. Ça fait le tour pour la première partie francophone de notre émission. On a divisé l'émission en thèmes aujourd'hui, donc on a commencé avec le francophone. Là, on s'en va dans l'alternatif anglophone et puis on va finir avec du punk vers la fin de la troisième heure de notre poste d'écoute de cette semaine. Premier album dans la section alternatif anglophone, c'est le nouveau de OK Curvel River qui s'appelle The Stand-Ins. J'avais beaucoup, beaucoup aimé leur précédent album The Stage Names en 2007 et c'est la suite de ça. Donc tout de suite, voici la première pièce de leur album, c'est l'introduction du disque. Voici Stand-Ins 1. Dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois dans votre radio 89 FM, la radio Campus de Trois-Rivières. Oh! poste d'écoute. De OK Kerrville River et le nouvel album de Avenged Sevenfold vous attend de retour dans le poste d'écoute. They ask for more. What do you think this fan club is for? I slithered up each rose corridor. I kept a warm, safe place at my core. Before I lost it, they asked for blood. What do you think this woman's made of? I stuck a small thin pin in my thumb. They dreamt a low, long line to be crossed. And I crossed it. I'm alive, but a different kind of alive than the way I used to be. I retire to a split white smile to be seen in some old stag magazine. those eyes when they were roughly wrenched open. I could see a starry stare up your thigh. You hid behind your hair, oh, but I saw you smiling while all these guys, all these curious sets of eyes, safe behind a TV screen. I let them pry, pick apart and hang up to dry almost every piece of me. If you don't love me, I'm sorry. Oh, what a shimmering silver ship. Oh, what a hot half-life I have lived. Oh, and the stripes and stars, how they stripped off the siding when my life ripped off from the part that played as a kid into the part that blazed through your lids to find a warm, safe place to sit curled up in silence. So here's goodbye from the part that stayed behind to the part that has to leave, to the sublime lips that were never spoiled by a lie, to the face inside the beam. Wasn't me. Who wasn't me? Oh no, no, she's not me. Oh oh. Okay, Kerrville River avec la pièce Starry ou Starry Stairs, précédé de singer-songwriter de Lost Coastlines et de Stand-ins One. C'est l'énorme album de Stand-ins. Très, très bon. J'ai vraiment hâte de le réécouter au complet, cet album-là, parce que j'avais aimé leur précédent, The Stage Names. Et ça, c'est The Stand-ins. Donc, il va falloir que je m'y mette. OK Kerrville River. Parlons un petit peu de cette formation américaine qui est de Austin, au Texas. C'est du folk indie rock. Leur site web est au myspace.com/OKKerrvilleRiver ou encore OKKerrvilleRiver.com. C'est un petit peu difficile à appeler, donc allez voir le site de l'émission. Si ça vous intéresse, au www.unechance.com. Les liens sont postés en direct en temps réel. Donc, les membres sont Will Sheff à la voix et la guitare, Scott Brackett à la trompette et au clavier, Brian Cassidy à la voix, la guitare électrique et la mandoline, Jonathan Mayberg à la voix, au clavier et à l'accordéon, Travis Nielsen à la batterie, Patrick Pistorius à la basse et Seth Warren aux électros. Ça fait beaucoup de monde, ça! Hein? De quoi remplir une rivière? Je regardais leur date de spectacle sur leur MySpace, mais ils font une grosse tournée en ce moment des États-Unis, mais ils vont être à Montréal au L'Essin le 11 octobre à 20h. Ensuite, ils retournent en grosse tournée, même mondiale. Je vois l'Allemagne et... Prague, Amsterdam, moi, wow, mais quel... Ça doit être un bon moment pour être OK Kerrville River. Hein? Leur album est sorti il y a quand même quelques temps, le 9 septembre. On vient de le recevoir il y a quelques jours ici, assez fou. OK Kerrville River, leur album s'appelle The Stand-ins. Un autre album qui est sorti il y a quand même un petit bout, le 16 septembre. C'est un album double pour la formation Avenged Sevenfold. Ça s'appelle Live in the LBC and Diamonds in the Rough. Donc, d'un côté, vous avez un CD qui s'appelle Diamonds in the Rough. Et de l'autre côté, il y a un deuxième CD, ouais, bon, qui est un DVD. Pour mettre dans un lecteur DVD, hein, c'est super beau. Live in the LBC, donc un spectacle live enregistré au Long Beach Arena de Long Beach en Californie en avril 2008. Nous, on va évidemment se concentrer sur la partie radio, hein, ça va être peut-être un petit peu un DVD à la radio, surtout que ça joue pas dans nos lecteurs. On va écouter la première pièce de Diamonds in the Rough. Voici Demons dans le poche d'écoute au 89 FM. We'll be right back. Avenged Sevenfold avec Crossroads, précédé de Girl I Know et de Demons, les trois pièces qui ouvrent leur nouvel album Diamonds in the Rough. Et en fait, je dois expliquer un petit peu ce que c'est leur album double Live in the LBC et Diamonds in the Rough qui est disponible maintenant. Donc le DVD Live in the LBC, il y a là-dedans un concert de Avenged Sevenfold à Long Beach en Californie. Il y a leur, c'est leur premier DVD en direct, donc filmé live, c'est filmé en haute définition 5.1 audio. Le CD Diamonds in the Rough, il y a là-dedans des pièces unreleased qui sont jamais sorties, donc des pièces aussi rares, des musiques originales de leur session d'enregistrement en 2007, quelques covers de chansons d'Iron Maiden et de Pantera et des remixes jamais entendus auparavant. Voilà, ça c'est vous, si vous achetez le CD de Avenged Sevenfold, Live at the LBC and Diamonds in the Rough. Si vous allez télécharger ou acheter leur album sur leur MySpace, vous allez aussi avoir des pièces live qui ne sont pas dans le nouvel album et quelques pièces Grat Tracks, Instant Grat Tracks, j'ai aucune idée ce que c'est, mais des pièces qui ont l'air live de Seattle et de Fresno. Donc pour les fans de Avenged Sevenfold, c'est un bon album à vous procurer. Vous allez avoir beaucoup de plaisir et beaucoup de choses pour votre argent. Ça coûte genre une vingtaine de dollars, c'est pas cher. C'est pas une info pub ici par contre, donc parlons de Avenged Sevenfold qui est un groupe de metal rock de Huntington Beach en Californie. Leur album est sorti le 16 septembre. Leur site web est avengedsevenfold.com ou encore myspace.com/avengedsevenfold. Sinon, vous pouvez passer par le site de l'émission au www.unechance.com. Grosse tournée en ce moment, pas mal américaine, il n'y a pas vraiment de date au Québec à ce que je vois sur leur MySpace. C'est la fin de la deuxième heure du poste d'écoute pour nous, donc on se quitte avec un album de Joseph Archer and the Lonely Astronauts. Leur album s'appelle Temporary People et nous on va entendre pour les gens du vendredi seulement la première pièce Temporary People, mais les gens de, qui écoutent la rediffusion, parce que la rediffusion a 20 minutes de contenu de plus à chaque semaine, ça c'est les samedis après-midi et les mercredis après-midi aussi, donc vous allez avoir beaucoup plus de choses. Mais pour l'instant voici Temporary People dans le poste d'écoute, elle est 89. C'est dans vos oreilles. C'est fou ça. Hanging out with the temporary people till I find my way back to you. And it's so easy to be swallowed by this evil. 'Cause it's all I know how to do. But you do not care about yourself. I'm burning inside me all the time. And some of them are always reaching for the needle just to try and calm this vicious mind. My heart. nothing I could lose. So why should I pretend that there's something I could choose? When I go, it'll be like no one was here. Nothing to love and nothing left to feel. You could take everything away from me. You could take everything away from me. You could take everything away. Can't help but be a liar, sitting there. Troisième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette troisième heure, en fait, je vais recommencer en vous parlant du concept de l'émission d'aujourd'hui. Donc, on a divisé ça en thèmes. La semaine passée, on avait fait un spécial 100% francophone. Cette semaine, ben, c'est 100%, en fait, 50%, non, 33, mettons 33, on dit, non, 33. 1% francophone, 33% alternatif rock et l'autre pourcentage du punk. Est-ce que ça se tient? Pas sûr. On va terminer avec notre bloc alternatif tout de suite. Ça, c'est Gym Class Heroes qu'on s'en va entendre avec la pièce Guilty as Charged de leur album The Quilt. Ça, c'est tout nouveau. Et après ça, on entame la troisième et dernière partie, la partie punk avec la formation DOA et leur album Northern Avenger. Mais tout de suite, voici les Gym Class Heroes dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Attorney and ask him how you like that. Then I'ma jump in front of the jury like my life is in your hands. Can't break each and all the fingers just to make him understand. This is honestly a case of mistake and identity. Plus the space is too pretty to be in a penitentiary. Paranoid like Chris and Snoop is out to kill me. On a thin wire, why they trying to model Stan Philly? I guess I'm guilty to prove it innocent. And I'll be gone before they know what I hit with. And this predicament is pure coincidence. Oh brother, here comes another incident. I guess I'm guilty to prove it innocent. And I'll be gone before they know what I hit with. And this predicament is pure coincidence. Oh brother, here comes another incident. Let me see you two-step. Come on, let me see you two-step. And if you're innocent, kind of blurry. Let me see you two-step. Come much, on, let me see you two-step. And I think you went down like this. All I remember was the studio. Next thing you know, everything goes black. I woke up in the back of a squad car, handcuffed until they threw my ass behind bars. I never claimed to be an angel, I just making music. Something a little different, you can bob your head to it. If that's a crime, then fuck it, I do the time. But they trying to give me 25 to life for every line. Go ahead and lock me up, throw away the key. But just imagine the monster you're gonna make of me. And the moment that we all fear guilty on all charges for the dopest album of the year. I guess I'm guilty to prove it innocent. And I'll be gone before they know what I hit a bit. And this predicament is pure coincidence. Oh brother, here comes another incident. I guess I'm guilty to prove it innocent. And I'll be gone before they know what I hit a bit. And this predicament is pure coincidence. Oh brother, here comes another incident. I'm poste d'écoute. I usually avoid any type of competition, conversation, moderation. Lips sealed, but my fingers are flying. As the hours pass, they grow more impatient. My phone is magnetic, especially when I'm sauced up. And I admit that I'm ashamed. But there's Melissa, Teresa, and Emily, what a toss-up. But that's the best part of the game. And I'm really a novice, aspiring alcoholic, drowning the day's pain in house barley and grain. Thinking of ways to convince one to join me in the company of low-life salt, doing the same. So I start texting, I keep texting. Hey, I can't stop, it's my obsession. Yep. It's like fishing, my words are like lures. If they bite the bait, cool, if not, call it a weekend. Is love a tender thing? Too rough, too rude, too boisterous. Well, I tell you what, man, I had it once and it was fun, but not enough. 'Tis torture and not mercy. Heaven is where my phone lives. In my pocket, so cozy. Oh, what a joy replies give. It seems Melissa's babysitting and Teresa's working late, but Emily's on her way to East 11th on the train. And that's when I remember Patty from West Philly. She said, I'm in your area 3 minutes away. So I stopped texting, no more texting. Yeah, right, it's my obsession. It's like fishing, my words are like lures. They bite the bait, cool if not calling me. Tell you what, do it better, I just might. Take it back to 86, you wanna lick psych. Don't let the TV mislead you. Me and you, dude, we are not equal. Fuck you, this is for my people. Fuck you, this is for my people. Don't try to hide like I can't see you. Your parents must be trans and so see-through. Fuck you, this is for my people. Fuck you, this is for my people. Put up the peace sign, put your index down. Put up the peace sign, put your index down. Put up the peace sign, put your index down. Put up the peace sign, put your index down. Before I utter words and before I start to begin, let me make sure you clear, I'm about securing the win. I puzzle up my words while I piece another concoction, 'cause I'm stubborn with the thought the failure is never an option. I grind like a carpenter till my calluses bleed, with the passion from my heart to the many mouths that I feed. That's why I look at most of you stupid. I know it's hard, because you can't really do nothing to me unless you're God. But being that none of you ain't him, you can't fuck with me, now watch me erase them. Now trust me, see I'm so determined, I'm walking through the heat regardless how the fire is burning or how the tire is turning on the rim of the V. I laugh and shake it off the shit they be doing to me. With all the yapping and talking and so and so, you think that you could ever stop the kid? Oh no! So if you get in my way, you know you done, son. You best believe what I say, you better run, son. Fuck you because I do this for my loved ones. Fuck you because I do this for my loved ones. You better kneel down and pray, this is where I come from. We going hard any day, it's how the fight's won. Fuck you because I do this for my loved ones. Fuck you because I do this for my loved ones. The peace out with the index down. Hold up the peace out with the index down. Hold up the peace out with the index down. Hold up the peace out with the index down. Look, mom, no hands. Your little boy's a man. Everything you said is finally setting in. Training wheels fell off and I kept pedaling. Now I'm riding wheelies on this industry. Say the word, I'll ghost ride this bitch instantly. Good looking pop on the strength that you're giving me. Was it for you, gym class would be history. I'm on my upstate shit. I was Brooklyn broke, but now I'm upstate rich. Getting brains from two dames with French accents. Now I'm messing with local chicks, I get them upstate shit. You're probably thinking I'm wrong, right? Like I should quit writing these songs, right? Tell you what, do it better, I just might. Take it back to 86, you on the lick side. Now it's a lot and y'all that can't stand me. Cause Lyra Zimbalist, the prince is uncanny. But fuck you, this is for my family. Fuck you, this is for my family. Upstate New York to Miami. Up late recording in my jammies. I do it for my family. Fuck you, this is for my family. Put up the peace sign, put your index down. Put up the peace sign, put your index down. Put up the peace sign, put your index down. Put up the peace sign, put your index down. Put up the peace sign, put your index down. Put up the peace sign, put your index down. Put up the peace sign, put your index down. Put up the peace sign, put your index down. La formation Gym Class Heroes avec Peace Sign Index Down, précédé de Drunk Text Romeo et de Guilty as Charged. Ça vient leur nouvel album The Quilt. Ici dans le poste d'écoute. Donc, Gym Class Heroes, un groupe de indie hip-hop de Geneva, New York. GymClassHeroes.com ou MySpace.com/GymClassHeroes, c'est là que vous pouvez en avoir plus pour votre argent. Qui est pas d'argent, en tout cas. Travis à la voix, Disashi à la guitare, Matt aux percussions et Eric à la basse. Ils ont beaucoup de spectacles qui s'en viennent aux États-Unis pendant le mois d'octobre. Je pense qu'ils ont pas mal de spectacles à tous les jours, ou peut-être aux deux jours. Ils sont très occupés, ces gars de Gym Class Heroes. Leur album The Quilt est en magasin maintenant. Hein? Voilà, donc vous pouvez aussi le télécharger sur leur MySpace. Voilà, il y a le lien là-dessus. On reste dans le bloc punk du poste d'écoute de cette semaine pour aller entendre la formation DOA. Leur nouvel album s'appelle Northern Avenger. J'ai entendu à travers les branches qu'une de leurs pièces allait entrer dans le palmarès de C'est fou cette semaine. Donc, je vais la garder pour la fin du bloc. On commence par les deux premières pièces de l'album. Il y a Golden State, mais on commence avec Human Bomb tout de suite. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous au 89.fm. C'est fou ça! Yeah. Le poste d'écoute. Devils, et Devil Speedway de DOA, ça vient de l'album Northern Avenger. Juste avant, c'était Golden State et Human Bomb. C'est les trois premières pièces de l'album de DOA. Je vous ai promis tantôt de faire jouer la pièce qui va entrer sur le palmarès. On va faire ça dans quelques secondes, mais avant, parlons un petit peu de DOA, un groupe de punk de Burnaby en Colombie-Britannique. myspace.com/DOA Punk. Les membres sont Joey Shithead, Keith Lee, à la guitare, et il est chanteur aussi. Floor Tom Jones à la batterie et au cri. Et Dirty Dan Sedan, ou un mouvement intestinaux. D'accord, donc DOA, groupe de punk du Canada. On aime ça. Et puis là, ben, on va aller entendre leur pièce qui va entrer sur le palmarès à partir de cette semaine. Elle s'appelle How Long Till the Day. Tout de suite dans le Buzz Écoute. Je crois que c'est bien celle-là. On va voir. Go, yes, and do go. We had it with your crowd. You had the people DOA et How Long Till the Day. C'est la pièce qui entre dans les palmarès cette semaine. Et vous venez de l'entendre pour la première fois sur les ondes de C'est Fou dans le poste d'écoute, l'émission où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Donc, quatrième pièce de l'album Northern Avenger qu'on entend cette semaine. On termine presque la troisième heure et l'émission par le fait même avec un petit peu de punk encore. C'est la formation I Set My Friends on Fire. C'est leur premier album qui sort le 7 octobre. Il s'appelle You Can't Spell Slaughter Without Laughter. Et non seulement le titre de l'album est vraiment bon, mais le titre des pièces aussi. La troisième qu'on va entendre va s'appeler Beauty is in the Eyes of the Beer Holder. Hein? Notamment, c'est Brief Interviews with Hideous Men. Et on commence avec Shit, it talks, I'm out of here. Bonne passe d'écoute. Thank you, everybody. Where I set my friends on fire, we love you all. We hope you all have a good night. Et bon, Jacques, c'est... Dude, what the fuck was that all about? I don't know, I liked it. Hey, Matt, I think someone's behind you. Someone's behind me? Yeah, right behind you, dude. Ah! Matt here! I love you! I like the way you scream in that one song! I don't think he screams like that. Anyway, would you like to, play on a home planet? Do they talk shit there? No. Alright, yeah, let's go. Yeah, baby, let's go! Yeah. aux oreilles. 89.1 FM. Hey, it's your Calvary kids, and we got a new song for y'all called The Soldier Boy. By the way, I got me some new bathing ape. Soldier Boy, I've been in this home. Watch me crank and watch me roll. Watch me pray the Soldier Boy that's so familiar. Jocking all those haters, man. When I do that, Soldier Boy, I lead to the left and crank that down now. I'm jocking on your bitch ass. And when we get a fight and then I'm cocking on your bitch ass. It's me at your local party. It's like cranking every day. Haters get mad cause I got me some money today. Soldier Boy, I'm in his home. Watch me crank and watch me roll. Watch me crank that Soldier Boy. That's so familiar. He's gonna crank it up for sure. Haters wanna be me, Soldier Boy. I'm the man. They be looking at my neck, saying it's a rubber band, man. What we do? What we do? Dance. Like we do. Like we do. No, you can't do it like me. No, she tried to do it like me. Fuck, she tried to do it like me. Man, that shit was ugly. Soldier Boy, I'm in his home. Watch me crank it, watch me roll. Watch me crank that Soldier Boy. That's so familiar. Wow. Wow. Il y a vraiment du monde qui peut écouter ça au complet. Wow. J'ai passé cette pièce-là comme demande spéciale pour un de mes collègues. Crank That, pièce de Soulja Boy que j'aimais déjà pas à la base. Refaite en criant comme une espèce de... je sais pas quoi dire. C'est affreusement mauvais. C'est atroce. Je déteste ça. C'est bon. Si vous aimez ça, bravo. Avant ça, c'était la pièce Beauty is in the Eyes of the Beer Holder. Avant ça, c'était Brief Interviews with Hideous Man. Et on a commencé avec Shit It Talks, I'm Out of Here. Et ça, c'est une reprise de Soulja Boy. La formation s'appelle I Set My Friends on Fire. Leur album s'appelle You Can't Spell Slaughter Without Laughter. L'album sort le 7 octobre. J'ai passé au travers. J'espère que vous aussi. C'est un groupe qui vient de Miami, en Floride. Oui, c'est vrai. Allez voir le myspace.com/ I Set My Friends on Fire. C'est leur site web. Ils sont en grosse tournée américaine, un petit peu partout là, dans les États-Unis. Je vois pas de date au Canada, malheureusement. Allez vous renseigner. Passez par le www.unechance.com. D'ailleurs, allez voir le www.unechance.com pour télécharger la balado-diffusion du poste d'écoute à chaque semaine et pour savoir ce que je joue dans l'émission, pour aller sur les sites des artistes. Tout est là en temps réel pendant l'émission et ça depuis le début, il y a environ 4 ans et quelques là. Ça commence à faire longtemps qu'on découvre des nouveautés comme ça et on adore. Avant de terminer l'émission, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on couronne un poste d'or. Et le poste d'or, cette semaine, je regarde les CD qu'on a joués. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé plein d'affaires. J'ai aimé Les Amours Inavoués, Caïman Fou, JP d'Alpé, OK Curvel River. Il y a tellement d'affaires, je pourrais nommer pas mal de choses là-dedans. Mais je pense que je vais y aller avec La Valeur Sûre. On sait que ça va jouer assez fou, c'est Caïman Fou avec Drôle d'Animal. Donc ça, c'est notre poste d'or. C'est mon album préféré de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine à partir de 10h les vendredis pour un autre poste d'écoute. On est en rappel les samedis après-midi à midi et les mercredis à 13h. Donc soyez avec nous pour découvrir les nouveautés musicales. Je vous retrouve aussi dans Hector, dans la chanson et dans les palmarès. C'est fou. On se quitte avec Sick Boy, un autre. Autre que Soulja Boy, il y a aussi Sick Boy, tu sais. Il y en a qui sont des soldats, il y en a qui sont malades. Son album s'appelle Water Never Waits. Les auditeurs du vendredi vont entendre seulement la pièce Blank. Les autres entendront d'autres pièces dans la rediffusion avec 20 minutes de contenu exclusif à cette rediffusion. Faut pas les rater. Hein? Sick Boy, tout de suite. Bye bye, bonne semaine. goblet of grace. Misunderstanding successfully in such grand designs I do believe. Moving on, and the fashion and the creatures evolve. An endless headache of broken bones. And we are worse, but not so bad as you say. So please stop making so much sense. We know a lot of words about us. Our mistakes will be. We know a lot of words about. Shadows begin to get long. The only good ending is never ending at all. There's a world between these walls. Moving on. Moving on. Conclusions foregone for good, and never to return. Just being run off, and we're not afraid as much as we are lost. Beautiful and lonely, beautiful and lonely. Tired of being kicked out and asked where we've been. You're thin as a rail, my love, but we're thicker than fate. Everybody wants to feel pretty. My escort's got her wings. Can you say the same thing? Can you say the same thing? Thank you. place. This ain't where I choose to be. But they say that ain't up to me. Ain't got much to complain. I get three meals and regular cigarette breaks. And I tell them what I'm supposed to say. And maybe tomorrow I can leave. Welcome to Bellevue. Didn't they tell you you're not going anywhere? Welcome to Bellevue. Didn't they tell you you're not getting out of here? And I'm one day shy of 2 weeks. And this place is starting to get to me. And I'm not a person, I'm a case. And I got shoes but no shoelace. And alternating sessions of pills and electricity. And I had my first visitor yesterday. I didn't want them to leave. Welcome to Bellevue. Didn't they tell you you're not getting out of here? Welcome to Bellevue. Didn't I tell you you're not going anywhere? See, that guy over there's been here 5 years. That ain't gonna be me, I swear. It's good to talk about your problems. It's good to talk. But I'm afraid once I get started, they'll never shut me up. They let their secrets slip. And whatever madness sleeps next door tonight will be in my bed the next. And 5 stitches turned into 10. And I don't know how long it's been. And I had my last visitor yesterday.